الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude de ces hadiths sur la croyance et le suivi réunis par l'éminent cheikh, le grand savant Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali. Nous allons maintenant voir le neuvième hadith mentionné par l'auteur dans cet ouvrage qui concerne un signe de la véracité de la foi qui n'est autre que l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit عن Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam قال. D'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nul parmi vous n'aura la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, que son père et que l'ensemble des gens. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc le rapporteur de ce hadith, c'est Anas ibn Malik, et on a déjà mentionné des choses à son sujet lors de l'explication du septième hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique un des signes évidents de la véracité et de la perfection de la foi. Et il nous dit que nul parmi les gens ne peut être croyant, c'est-à-dire d'une foi véritable, tant qu'il n'aimera pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que l'ensemble des gens, plus que les gens avec qui il peut avoir des liens de parenté, des liens de sang, des liens d'alliance, ou encore des liens d'amitié ou des liens d'intérêt ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être aimé plus que toutes ces personnes. Donc si l'homme aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa mère qui l'a enfanté, plus que son père qui l'a éduqué, plus que ses grands-parents, plus que ses frères et sœurs, et qu'il l'aime plus également que ses enfants, qui sont parmi les gens ceux qu'il a de plus cher dans ce bas monde. S'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son épouse, plus que l'ensemble des gens de sa famille, plus que toutes les personnes avec qui il peut avoir des liens, que ce soit des liens d'amitié, des liens de travail ou autre chose semblable. Si la personne, telle est sa situation, qu'il aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'ensemble des gens, alors c'est un véritable croyant. C'est un véritable croyant. En raison de cet amour qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que cet amour est une simple prétention? Est-ce que cet amour, il se manifeste seulement sur la langue en disant « j'aime le messager d'Allah » sallallahu alayhi wa sallam, ou en diffusant, comme le font certaines personnes, des dessins avec écrit « Uhibbuka ya Rasulallah » ou d'autres choses semblables? La réponse est non. Cet amour, s'il est véridique, il doit être prouvé et démontré par le suivi réel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. « Qul, in kuntum tuhibbun Allah » فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Suivez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le vrai amour. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simplement de dire qu'il est ton prophète, puis tu ne connais rien à son sujet, et tu ne le suis pas, tu n'obéis pas à ses ordres, et tu ne délaisses pas ses interdits, non. Ça, ce n'est pas un amour véridique. C'est simplement une prétention mensongère ou déficiente. Donc le signe de l'amour véritable du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que tu l'aimes réellement plus que toute autre personne parmi les gens. C'est que tu fasses prévaloir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance de tout autre parmi les gens. C'est cela l'amour véritable. Si tu aimes vraiment Allah et que tu aimes vraiment son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils t'ont ordonné une chose, tu te dois de leur obéir dans cet ordre, et ne pas obéir à autre qu'eux. Également, Si tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire prévaloir ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment au-dessus de ce qu'aiment l'ensemble des gens, qu'ils fassent partie de tes proches ou non, et même au-dessus de ce qu'aime ta propre personne, ce pourquoi ton âme a un penchant, tes passions, tes désirs. Tu dois les repousser et faire prévaloir ce qu'Allah aime et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam aime. C'est cela l'amour véritable. Mais quant au fait de dire j'aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, puis je préfère suivre les modes, avoir une apparence contraire à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, transgresser ses interdits, ne pas se soumettre à ses ordres, faire prévaloir ce que ton âme faible désire et ce pourquoi elle a des penchants, au-dessus de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam aime et a légiféré pour toi, alors c'est que ton amour est un amour déficient et que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Car le véritable amour, c'est que tu fasses prévaloir ce qu'Allah aime au-dessus de ce que l'ensemble des gens aiment, même si tous les gens doivent se courroucer contre toi, même si cela déplaît au monde entier. Si c'est ce qu'Allah aime et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a aimé et légiféré pour toi, alors c'est cela que tu dois faire, quelque répulsion qu'en aient les créatures. Et nul parmi nous ne goûtera à la douceur de la foi tant qu'il n'aura pas réuni en lui trois choses. Et ces trois choses ont été mentionnées dans un autre hadith, rapporté également par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a trois choses. Si elles sont dans une personne, si elles se retrouvent chez une personne, il trouvera par celle-ci la douceur de la foi. » La première chose, « An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. » Qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que tout autre qu'eux. Et comme on a dit, l'amour véritable, c'est qu'il fasse prévaloir l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de l'obéissance à toute créature. Et même au-dessus de l'obéissance à son nafs, à son âme incitatrice au mal. La deuxième chose, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa an yuhibba al-mar, la yuhibbuhu illa lillah. Et lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Il ne l'aime que pour Allah. Il ne l'aime pas seulement parce qu'il a un lien de parenté avec lui, ou parce qu'il a un lien de sang, ou parce qu'il a une alliance, ou pour des intérêts mondains, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui s'aiment, si on peut appeler cela de l'amour, ou plutôt qui s'apprécient, et qui ont des relations et des échanges, en raison d'intérêts mondains, d'intérêts matériels. Mais le vrai croyant, celui qui a goûté la douceur de la foi, il n'aimera les gens que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils soient proches ou lointains, son amour sera basé sur l'amour d'Allah. Plus il verra un serviteur croyant, plus apparaîtra une personne de la vertu, de la piété, plus il va l'aimer en Allah. Et inversement, plus il verra chez une personne de la corruption, de la perversité, des péchés, des mauvaises actions, plus il la détestera en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il fait partie de ses plus proches parents. Ensuite, il dit la troisième chose. « وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » Et qu'il réprouve qu'il est de la répulsion quant au fait de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, de la même manière qu'il réprouverait, qu'il détesterait être jeté dans le feu. Celui qui a été guidé à l'islam, que ce soit à l'âge adulte ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait fait grâce et les fait naître dans une famille musulmane qui ont préservé sa fitra, sa saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il doit être conscient de ce bienfait, qu'il a été sauvé de la mécréance qui mène en enfer pour y demeurer éternellement. Donc, s'il est conscient de ce bienfait, il va réprouver, retourner à la mécréance ou tomber dans la mécréance, de la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie également que le croyant qui a goûté la douceur de la foi, il va s'écarter et s'éloigner de tout ce qui pourrait le mener à tomber dans cette mécréance. Donc celui qui trouve ces trois choses en lui, Il n'y a aucun doute qu'il aura goûté à la douceur de la foi. Et si telle est sa situation alors, tu le verras toujours au premier rang et au plus haut niveau dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fera pas preuve de fainéantise dans l'adoration d'Allah. Il consacrera sa personne et son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui plaît à son Seigneur. Il dépensera son argent pour se rapprocher d'Allah. Il ne craindra le blâme d'aucune personne dans l'adoration d'Allah. Il fera ce qu'Allah lui a ordonné et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné sans craindre le blâme de personne parmi les gens. Ni leur regard, ni leur critique, ni les éventuels torts ou préjudices qui pourraient lui faire encourir. Car il sait qu'il est sur la voie de la vérité bi'inillahi ta'ala. Et parmi les choses à souligner en lien avec ce hadith, il y a le fait que l'amour est de différentes sortes. Le premier amour, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base de la foi et du tawhid. Nul ne peut être croyant sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième amour, c'est l'amour en Allah. Al-mahabbatu fillah. Le fait d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, à commencer par ses prophètes et ses messagers, alayhim as-salatu was-salam, ceux qui les ont suivis, aimer les compagnons, aimer Abu Bakr, aimer Omar, aimer Uthman, aimer Ali, radiyallahu anhum, ainsi que l'ensemble des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum. Aimer également tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi les actions, parmi les moments, comme les moments méritoires, le mois de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et ainsi de suite. Les lieux, comme Mecca, Al-Medina, et Al-Masjid Al-Aqsa. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, le croyant, se doit de l'aimer. Car ceci est subordonné à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et vient le compléter. Si tu aimes vraiment Allah, alors tu dois aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Et si tu aimes une chose qu'Allah déteste, une chose qu'Allah réprouve, une chose qu'Allah a interdite, alors ceci provient d'un manque de foi, Allahul Musta'an. Le troisième type d'amour, c'est l'amour avec Allah. Et ceci est l'amour des polythéistes pour leur divinité et pour ceux qu'ils ont pris comme associés et égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les pierres, les arbres, les saints, les vertueux, les tombes, les mausolées, ainsi de suite. Et cet amour est la base du polythéisme et son fondement. Et également, parmi les formes d'amour, la quatrième forme, il y a l'amour naturel, qui est l'amour de l'homme pour ses parents, ses enfants, son épouse, son argent, et ainsi de suite parmi les choses pour lesquelles l'âme a un penchant. Et cet amour n'est pas blâmable tant que celui-ci ne pousse pas la personne à s'opposer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices, parmi eux premièrement l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le véritable croyant, c'est celui qui fait prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'amour de l'ensemble des gens. Et médite ici sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. Il a mentionné que nul ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son enfant ou son père. Il a mentionné l'enfant et le père en raison de l'attachement de l'homme pour ces deux personnes. Les parents et les enfants font généralement partie des gens les plus aimés par la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'aimer encore plus. Et pour ce faire, tu te dois de lui obéir et de le suivre. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle. Ceci est une obligation pour tout croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle et tu ne dois pas prendre pour modèle autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et se rappelle fréquemment d'Allah. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit dans le tafsir de ce verset que l'excellent modèle, le bon modèle à suivre est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le suit, celui qui prend pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors emprunté la voie qui le mènera à être honoré par Allah. Tu souhaites être honoré par Allah? Suis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Prends-le pour modèle. Prends-le pour modèle dans sa croyance. Prends-le pour modèle dans son adoration. Prends-le pour modèle dans son comportement. Et prends-le pour modèle dans son apparence. C'est cela la voie qui te mènera au paradis d'Allah, où tu seras honoré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, et ceci est la voie droite. C'est ça la voie droite qui nous a été ordonnée de suivre, de prendre pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, quant au fait de prendre pour modèle autre que lui, si ce dernier s'oppose au messager, alors celui-ci est un mauvais modèle, c'est un mauvais exemple. Si tu suis une personne qui n'est pas sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, tu as pris un mauvais exemple. Tu as pris pour modèle une personne parmi les gens en grande notoriété aujourd'hui, sur les réseaux sociaux par exemple, un influenceur ou une influenceuse ou je ne sais quoi. Et tu l'imites dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se coiffer, dans sa manière de manger et de vivre et ainsi de suite. S'oppose à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu as pris un mauvais exemple, un mauvais modèle et tu as emprunté une mauvaise voie, contraire à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu te fais une coupe de cheveux semblable à celle des footballeurs ou des acteurs ou des chanteurs ou je ne sais quoi, tu as pris un mauvais exemple et un mauvais modèle, contraire à celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu es donc sur une mauvaise voie. Si tu adoptes des comportements parmi les comportements des gens corrompus et déviants, que tu prends pour modèle des personnes que tu aimes ou que tu apprécies parmi ceux que tu admires à travers ces écrans et que tu te mets à vivre comme eux, à vouloir avoir la même vie qu'eux et ainsi de suite, alors tu as emprunté un mauvais chemin, un chemin contraire à celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car tu n'as pas pris les bonnes personnes pour modèle. Mais si tu as besoin de modèles parmi les vivants, prends pour modèle ceux qui sont sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Médite sur la parole de l'imam Sa'di ici. Il dit quant au fait de prendre pour modèle autre que lui, autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors s'il s'oppose à lui, c'est un mauvais modèle, c'est un mauvais exemple. S'il s'oppose à lui. Mais si ce modèle suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu prends pour modèle les savants de la communauté, les gens vertueux, parmi ceux qui s'attachent fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu es sur la bonne voie, inshallah. Et c'est ces gens-là que l'on doit admirer. C'est ces gens-là que l'on doit respecter. C'est ces gens-là que on doit suivre et au sujet desquels on doit s'enquérir. Et non pas les gens corrompus et pervers qui s'affichent aujourd'hui à longueur de journée sur ces réseaux sociaux. Wallah al-musta'an. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah dit concernant le fait de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ceci n'est accompli, c'est-à-dire que nul ne prend pour modèle cet excellent modèle qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nul n'est facilité à cela si ce n'est celui qui espère en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire que sa foi et sa peur d'Allah, sa peur de son châtiment et son espoir de sa récompense le poussent à prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu es récompensé. Donc si tu as espoir en Allah et au jour dernier, si tu crois véritablement au jour dernier, rappelle-toi de cela. Rappelle-toi que lorsque tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu es récompensé. Tu seras rétribué en bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras une récompense immense et abondante. Tu seras honoré. Mais si tu suis autre que lui, parmi ceux qui s'opposent à sa voix, parmi les gens pervers et déviants, alors tu te mets en danger. Donc je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous guider, de nous réformer et de nous aider à prendre réellement pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à nous préserver du suivi d'autres que lui parmi les gens déviants et corrompus, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les réforme et les guide. Donc, le troisième bénéfice que je souhaitais mentionner ici, et qui est lié à ce que l'on vient de mentionner, c'est la mise en garde contre le fait de prendre pour modèle autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi ceux qui s'opposent à lui. Et le fait de prendre autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour modèle, parmi les gens corrompus, parmi les gens qui ne suivent pas sa voie, Ceci est un signe de faiblesse de la foi. Ceci est un signe de faiblesse de la foi. Tu dois te remettre en question si telle est ta situation, te réformer et te soigner, et savoir qu'il fait partie de la perfection de la foi, de la véritable foi, et que si tu souhaites être un véritable croyant, alors il est obligatoire pour toi de prendre pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tel est le véritable amour que le croyant doit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il le suive, qu'il le prenne pour modèle, et ceci est la perfection de la foi. Quant au fait de prendre autre que lui parmi les gens pervers et déviants, comme modèle et comme exemple, alors ceci s'oppose à la perfection de la foi et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. On a donc terminé avec ce hadith. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.